Salut à tous et bienvenue sur Not Your Fan pour ce nouveau top 10 du mois avec Japy. Les Londoniens de Dead Pretties démarrent le top 10 de ce mois-ci avec Confidence. La suite avec le duo franco-israélien Winter Family et le titre Archaic Landscape. Nine. Archaic Landscape. Sound before and gone. Occasional love, still her eye, protected and alone. Mother of stones, producing my addictions, vaporizing dust alone. Mother of stones, producing my addictions, vaporizing the earth to dust. She finds herself alone, walking in cycles. Walking in circles, always get back home. And all sweat and honey, and all milk and blood. bottling red and her long legs. Laugh with the Seine River. Laugh with the Seine River. Laugh with the Seine River. She's walking in circles. I can't let's get gorgeous life with the Seine River. Life with the Seine River. En huitième position, nous retrouvons les Américains de Paramore et leur hit Hard Times. Les Irlandais de The Academics se classent 7e de ce top 10 avec le titre Bear Claw. 7. Show me all your flaws, show me your bare bones. Dans ce top 10 du mois et on écoute Tired des Américains de Morning. Top 10 du mois. 6. We'll be right back. Les Belges de Girls in Hawaii se glissent à la cinquième place avec leur titre Walk. Le groupe psyché britannique Temples fait une incursion à la quatrième place avec Strange or Be Forgotten. C'est l'américain Dante May qui se place troisième de ce top 10. Le titre, Across the Multiverse. Et comme invité, Frankie Kosmos au chant. Three. How did you find me here waiting for you? Across the multiverse we collide. It's extraterrestrial, our love. Across the multiverse, you and I. Le second du top 10 de ce mois-ci est lui aussi américain. Il s'agit de Hani El Khatib avec le titre Paralyzed. Frozen by the cold. on termine le top 10 du mois avec la belle néo-zélandaise Aldous Harding et son titre Blend. Hey man, I really need you back again. The years are plenty. Somewhere I have a war to color you did. I saw you walking on the sand in Thailand. A plu? Alors rendez-vous sur Not Your Fan pour le nouveau top 10 le mois prochain. Au fait, la musique du générique, c'est les French Bastards avec le titre Golden 80s.